Trois ans d'apprentissage. J'ai resté chez la Berthe 6 mois. Oui. Hein. Mmh. Et après, je suis rentré chez la maison de Dieudonné. Ah oui, chez Dieudonné. Oui. Mmh. Là, j'ai travaillé 34 ans. 34 ans chez Dieudonné. Ah oui, c'est ouais. Pas mal. Puis il y a eu la, vraiment, ça, militaire. Oui. J'ai fait 18 mois, et puis il y a eu la guerre où j'étais prisonnier 5 ans. Hein. Ah, oui.